Le 2 août, la délégation du Comité olympique de la République populaire démocratique de Corée, conduite par son président Lee Jong-moo, ministre de la Culture physique et des Sports, a quitté Pyongyang par avion pour les 31e Jeux olympiques de Rio de Janeiro, Brésil.